Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 29. Mais voici ce que tu feras encore pour qu'il me soit consacré dans le sacerdoce. Prends un veau du troupeau et deux béliers sans tache, des pains azymes, une galette sans levain qui soit arrosée d'huile, et aussi des beignets sans levain oints d'huile. C'est avec la fleur de farine de froment que tu feras toutes ces choses. Et après les avoir mises dans une corbeille, tu les offriras ainsi que le veau et les deux béliers. Tu feras ensuite approcher Aaron et ses fils de la porte du tabernacle de témoignage. Or, lorsque tu auras lavé le père et ses fils avec de l'eau, tu revêtiras Aaron de ses vêtements, c'est-à-dire de la tunique de lin, de la robe, de l'éphod et du rational que tu lieras avec la ceinture. Et tu mettras la tiare sur sa tête et la lame sainte sur la tiare. Et tu répandras sur sa tête l'huile de l'onction. Et c'est par ce rite qu'il sera consacré. Tu feras approcher aussi ses fils, et tu les revêtiras de tuniques de lin, et tu les ceindras de la ceinture, c'est-à-dire Aaron et ses enfants. Puis tu leur mettras des mitres, et ils seront mes prêtres par un culte perpétuel. Après que tu auras consacré leurs mains, tu feras aussi approcher le veau, devant le tabernacle de témoignage. Alors Aaron et ses fils poseront les mains sur sa tête, et tu le tueras en la présence du Seigneur, près de la porte du tabernacle de témoignage. Puis après avoir pris du sang du veau, tu le mettras sur les cornes de l'autel avec ton doigt. Mais le reste du sang, tu le répandras au pied de l'autel. Tu prendras encore toute la graisse qui couvre les intestins, la membrane réticulaire du foie, les deux reins et la graisse qui est au-dessus, et tu les offriras en les brûlant sur l'autel. Pour la chair du veau et sa peau et sa fiente, tu les brûleras dehors, au-delà du camp, parce que c'est une hostie pour le péché. Tu prendras aussi l'un des béliers sur la tête duquel Aaron et ses fils poseront les mains. Lorsque tu l'auras tué, tu prendras de son sang et tu les répandras autour de l'autel. Mais le bélier lui-même, tu le couperas en morceaux, puis tu mettras ses intestins et ses pieds lavés sur sa chair coupée et sur sa tête. Et tu offriras tout le bélier en le brûlant sur l'autel. C'est une oblation au Seigneur, une odeur très suave de la victime du Seigneur. Tu prendras aussi l'autre bélier sur la tête duquel Aaron et ses fils poseront les mains. Lorsque tu l'auras égorgé, tu prendras de son sang, et tu en mettras sur l'extrémité de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, et sur les pouces de leurs mains et de leurs pieds droits, et tu répandras le reste du sang sur l'autel tout autour. Et lorsque tu auras pris du sang qui est sur l'autel et de l'huile de l'onction, tu aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Eux-mêmes et leurs vêtements ainsi consacrés, tu prendras du bélier la graisse, la queue, le gras qui couvre les entrailles, la membrane réticulaire du foie, les deux reins et la graisse qui est dessus, et l'épaule droite, parce que c'est un bélier de consécration. De plus, une miche de pain, une galette arrosée d'huile, et un beignet de la corbeille des azymes qui a été posée en la présence du Seigneur. Et tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et de ses fils, et tu les sanctifieras en élevant ses dons devant le Seigneur. Tu recevras ensuite toutes ces choses de leurs mains, et tu les brûleras sur l'autel en holocauste. Odeur très suave en la présence du Seigneur, parce que c'est son oblation. Tu prendras aussi la poitrine du bélier, au moyen duquel a été consacré Aaron, et tu la sanctifieras après avoir été élevée devant le Seigneur, et elle deviendra ta part. Et tu sanctifieras aussi la poitrine consacrée et l'épaule que tu as séparée du bélier, au moyen duquel ont été consacrés Aaron et ses fils, et elles deviendront la part d'Aaron et de ses fils, par un droit perpétuel parmi les enfants d'Israël, parce que ce sont de leurs victimes pacifiques les premières parties qu'ils offrent d'abord au Seigneur. Quant aux saints vêtements dont se servira Aaron, ses fils l'auront après lui, afin qu'ils soient oints en étant revêtus, et que leurs mains soient consacrées. Pendant 7 jours, il servira à celui de ses fils qui aura été établi pontife à sa place, et qui entrera dans le tabernacle de témoignage pour exercer son ministère dans le sanctuaire. Or tu prendras le bélier de la consécration, et tu cuiras dans un lieu saint sa chair, dont mangeront Aaron et ses fils. Les pains aussi qui sont dans la corbeille, ils les mangeront dans le vestibule du tabernacle de témoignage, afin que ce soit un sacrifice propitiatoire, et que soient sanctifiées les mains de ceux qui les offrent. L'étranger n'en mangera point parce qu'ils sont saints. Que s'il demeure de la chair consacrée ou des pains jusqu'au matin, tu brûleras les restes au feu. On ne mangera point de ces choses parce qu'elles sont sanctifiées. Tu feras touchant Aaron et ses fils tout ce que je t'ai ordonné. Pendant 7 jours, tu consacreras leurs mains, et tu offriras chaque jour un veau en expiation pour le péché. Et tu purifieras l'autel lorsque tu auras immolé l'hostie d'expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu purifieras l'autel et tu le sanctifieras. Il sera très saint. Quiconque le touchera sera sanctifié. Voici ce que tu sacrifieras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, sans interruption. Un agneau le matin et l'autre le soir. La 1/10 partie de l'éphi de fleur de farine, arrosée d'huile pilée, qui est pour mesure la 1/4 partie du hin, et du vin pour les libations selon la même mesure, sur un agneau. Mais l'autre agneau, tu l'offriras vers le soir, selon le rite de l'oblation du matin, et selon ce que nous avons dit en odeur de suavité. C'est un sacrifice qui sera offert au Seigneur, d'une oblation perpétuelle en vos générations, à la porte du tabernacle de témoignage, devant le Seigneur, où je me tiendrai pour te parler. C'est là que j'ordonnerai aux enfants d'Israël et que sera sanctifié l'autel par ma gloire. Je sanctifierai aussi le tabernacle de témoignage avec l'autel, et Aaron avec ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce pour moi. Ainsi j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils sauront que c'est moi le Seigneur leur Dieu, qui les ai retirés de la terre d'Égypte, afin que je demeurasse parmi eux, moi le Seigneur leur Dieu. Tu feras aussi pour brûler un parfum un autel de bois de sétim, ayant une coudée de longueur et une de largeur, c'est-à-dire carré, et 2 coudées en hauteur. Des cornes en sortiront. Or tu le revêtiras d'un or très pur, tant la grille que les parois tout autour et les cornes. Et tu y feras une couronne d'or tout autour, et 2 anneaux d'or sous la couronne à chaque côté, pour qu'on y passe des leviers et que l'autel puisse être porté. Et les leviers eux-mêmes, tu les feras de bois de sétim, et tu les doreras. Et tu placeras l'autel contre le voile qui est suspendu devant l'arche de témoignage, devant le propitiatoire dont est couvert le témoignage, où je te parlerai. Et Aaron y brûlera le matin un parfum exhalant une odeur suave. Quand il apprêtera les lampes, il le brûlera. Et quand il le placera vers le soir, il brûlera un parfum perpétuel devant le Seigneur en vos générations. Vous n'offrirez sur cet autel ni parfum d'une autre composition, ni oblation, ni victime, et vous n'y ferez point de libation. Et Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel une fois par an, en y répandant le sang de la victime qui a été offerte pour le péché. Et il conciliera à l'autel la faveur du Seigneur dans vos générations. Ce sera une chose très sainte pour le Seigneur. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant: quand tu auras fait le dénombrement des enfants d'Israël, ils donneront chacun un prix au Seigneur pour leurs âmes, et il n'y aura point de plaie pour eux lorsqu'ils auront été recensés. Or voici ce que donnera quiconque aura présenté son nom: un demi-sicle selon la mesure du temple, le sicle à 20 obols. La moitié d'un sicle sera offerte au Seigneur. Celui qui est compris dans le dénombrement depuis 20 ans et au-dessus donnera ce prix. Le riche n'ajoutera point à la moitié d'un sicle, et le pauvre n'y diminuera rien. Et l'argent reçu qui aura été apporté par les enfants d'Israël, tu le donneras pour les usages du tabernacle de témoignage, afin qu'il soit un souvenir d'eux devant le Seigneur, et que le Seigneur se montre propice à leur âme. Le Seigneur parla encore à Moïse. Disons, tu feras aussi un bassin d'airain avec sa base, pour se laver, et tu le placeras entre le tabernacle de témoignage et l'autel. Hors de l'eau ayant été mise, Aaron et ses fils y laveront leurs mains et leurs pieds. Quand ils devront entrer dans le tabernacle de témoignage, et quand ils devront s'approcher de l'autel pour y offrir un parfum à brûler au Seigneur, de peur qu'ils ne meurent. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron et sa postérité durant ces générations. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant: Prends des aromates, 500 cicles de myrrhe première et choisie, et la moitié moins de cinnamome, c'est-à-dire 250 cicles, et pareillement 250 cicles de canne, 500 cicles de casse au poids du sanctuaire, et une mesure de hin d'huile d'olive. Et tu feras de l'huile sainte d'onction, essence composée selon l'art d'un parfumeur. Puis tu en oindras le tabernacle de témoignage, l'arche du testament, la table avec ses vases, le chandelier et ses ustensiles, les autels du parfum à brûler et de l'holocauste, et tous les objets qui appartiennent à leur service. Et tu sanctifieras toutes ces choses, et elles seront très saintes. Celui qui les touchera sera sanctifié. Tu joindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce pour moi. Et aux enfants d'Israël aussi tu diras: Cette huile d'onction me sera consacrée en vos générations. Aucune chair d'homme n'en sera ointe, et tu n'en feras point d'autre selon sa composition, parce qu'elle a été sanctifiée et elle sera sainte pour vous. Un homme quelconque qui en composera de pareil, et qui en donnera à un étranger, sera exterminé du milieu de son peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse: Prends des aromates du stacté, de l'onyx, du galbanum odoriférant et de l'encens le plus luisant. Toutes ces choses seront de même poids. Et tu feras un parfum à brûler, selon l'art d'un parfumeur, mêlé avec soin, pur et très digne de sanctification. Et lorsqu'en les broyant, tu auras réduit toutes ces choses en une poudre très fine, tu en mettras devant le tabernacle de témoignage, dans lequel lieu je t'apparaîtrai. Ce sera pour vous un très saint parfum à brûler. Vous ne ferez point de pareille composition pour votre usage, parce que c'est une chose sainte pour le Seigneur. Un homme quelconque qui en fera de semblable, pour en respirer avec plaisir l'odeur, périra du milieu de ses peuples. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant: Voici, j'ai appelé nommément Bézaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de science pour toutes sortes d'ouvrages, pour inventer tout ce qui peut se faire par l'art, avec l'or, l'argent et l'airain, avec du marbre, des pierres précieuses et divers bois. Et je lui ai donné pour compagnon Oholiab, fils d'Akhisamec, de la tribu de Dan. Et dans le cœur de tout ouvrier habile, j'ai mis de la sagesse, afin qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Le tabernacle d'alliance, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui est dessus, et tous les vases du tabernacle, la table et ses vases, le chandelier très pur avec ses vases, et les autels du parfum à brûler de l'holocauste, et tous leurs vases, le bassin avec sa base, les vêtements saints du ministère pour Aaron le grand prêtre et ses fils, afin qu'ils s'acquittent de leur office dans les choses sacrées, l'huile de l'onction, le parfum à brûler, composé d'aromates pour le sanctuaire. Ainsi ils feront tout ce que je t'ai ordonné. Le Seigneur parla encore à Moïse, disant: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Ayez soin de garder mon sabbat, parce qu'il est un signe entre moi et vous en vos générations, afin que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Gardez mon sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera mourra de mort. Celui qui travaillera en ce jour-là, son âme périra du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, vous travaillerez. Au 7e jour, c'est un sabbat, repos saint pour le Seigneur. Quiconque travaillera en ce jour-là mourra. Que les enfants d'Israël gardent le sabbat et qu'ils le célèbrent en leur génération. C'est un pacte éternel. C'est un pacte éternel entre moi et les enfants d'Israël et un signe perpétuel. Car c'est en 6 jours que le Seigneur a fait le ciel et la terre, et au septième il a cessé son œuvre. Or le Seigneur, ayant achevé les discours de cette sorte sur la montagne de Sinaï, donna à Moïse les 2 tables de pierre du témoignage, écrites du doigt de Dieu. Cependant le peuple, voyant le retard que mettait Moïse à descendre de la montagne, et s'étant assemblé contre Aaron, dit: Lève-toi, fais-nous des dieux qui nous précèdent. Car pour Moïse, cet homme qui nous a retirés de la terre d'Égypte, nous ignorons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit: Ôtez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et le peuple fit ce qu'il avait commandé, portant les pendants d'oreilles à Aaron. Lorsque celui-ci les eut reçus, il les jeta en fonte et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont retiré de la terre d'Égypte. Ce qu'ayant vu Aaron, il bâtit un autel devant le veau, et il cria par la voix d'un héros: Demain est une solennité du Seigneur. Et se levant le matin, ils offrirent des holocaustes et des hosties pacifiques. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Mais le Seigneur parla à Moïse, disant: Va, descends. Il a péché ton peuple que tu as retiré de la terre d'Égypte. Ils se sont bientôt écartés de la voie que tu leur as montrée. Ils se sont fait un veau de fonte et ils l'ont adoré. Puis lui immolant des hosties, ils ont dit: Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont retiré de la terre d'Égypte. Et de nouveau le Seigneur dit à Moïse: Je vois que ce peuple est d'un cou roide. Laisse-le-moi, afin que ma fureur s'irrite contre eux et que je les extermine. Et je te ferai chef d'une grande nation. Mais Moïse priait le Seigneur son Dieu, disant: Pourquoi, Seigneur, votre fureur s'indigne-t-elle contre votre peuple, que vous avez retiré de la terre d'Égypte avec une grande puissance et une main forte? Que les Égyptiens, je vous prie, ne disent pas: C'est par ruse qui les a retirés, afin de les tuer sur les montagnes et de les exterminer de la terre. Que votre colère s'apaise. Et laissez-vous fléchir sur la méchanceté de votre peuple. Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous avez juré par vous-même, disant: Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et toute cette terre dont je vous ai parlé, je la donnerai à votre postérité, et vous la posséderez toujours. Et le Seigneur s'apaisa, et il ne fit pas à son peuple le mal qu'il avait dit. Ainsi Moïse retourna de la montagne, portant en sa main les 2 tables du témoignage, écrites des 2 côtés et faites par l'œuvre de Dieu. L'écriture aussi, gravée sur les tables, était de Dieu. Or Josué, entendant le tumulte du peuple qui vociférait, dit à Moïse: On entend des cris de combat dans le camp. Moïse répondit: Ce n'est point là le cri de ceux qui s'exhortent au combat, ni les vociférations de ceux qui poussent leurs ennemis à la fuite. Mais c'est la voix de gens qui chantent que moi j'entends. Et lorsqu'il se fut rapproché du camp, il vit le veau et les danses. Alors, très irrité, il jeta les tables qu'il tenait à la main et les rompit au pied de la montagne. Puis, saisissant le veau qu'ils avaient fait, il le brûla et le brisa jusqu'à le réduire en poudre qu'il répandit dans l'eau. Et il donna de cette eau de poudre à boire aux enfants d'Israël. Il dit ensuite à Aaron: Que t'a fait ce peuple pour que tu attirasses sur lui un très grand péché? Aaron lui répondit: Que mon Seigneur ne soit pas indigné, car tu connais ce peuple, tu sais qu'il est porté au mal. Ils m'ont dit: Fais-nous des dieux qui nous précèdent. Car pour ce Moïse qui nous a retirés de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Moi je leur ai dit: Qui de vous a de l'or? Ils l'ont apporté et me l'ont donné. Et je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti ce veau. Moïse, voyant donc que le peuple avait été mis nu, car Aaron l'avait dépouillé pour une ignominie d'ordure, et l'avait mis nu au milieu de ses ennemis. Et se tenant à la porte du camp, dit: Si quelqu'un est au Seigneur, qu'il se joigne à moi. Et tous les enfants de Lévi se réunirent auprès de lui. Et il leur dit: Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Que chaque homme mette un glaive sur sa cuisse. Allez! et revenait d'une porte à l'autre au travers du camp, et que chacun tue son frère, son ami, et celui qui lui est le plus proche. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et il tomba en ce jour-là environ 23 000 hommes. Alors Moïse dit, « Vous avez consacré aujourd'hui vos mains au Seigneur, chacun sur son fils et sur son frère, afin que vous soit donné une bénédiction. » Mais le jour suivant arrivé, Moïse parla au peuple, disant, « Vous avez commis un très grand péché. Je monterai vers le Seigneur pour voir si je pourrais en quelque manière détourner le châtiment de votre crime. » Et étant retourné vers le Seigneur, il dit, « Je vous conjure, ce peuple a commis un très grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Ou remettez-leur cette faute, ou si vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. » Le Seigneur lui répondit, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Mais toi, va, et conduis ce peuple où je t'ai dit. Mon ange te précédera. Pour moi, au jour de la vengeance, je visiterai ce péché qu'ils ont commis. » Le Seigneur frappa donc le peuple pour le crime du veau qu'avait fait Aaron. Le Seigneur parla ensuite à Moïse, disant, « Va, monte de ce lieu, toi et ton peuple que j'ai retiré de la terre d'Égypte, en la terre que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, c'est à ta postérité que je la donnerai. Et j'enverrai pour ton précurseur un ange, afin que je chasse le Cananéen, l'Amoréen, l'Éthéen, le Phérézéen, l'Évéen et le Jébuséen, et que tu entres dans une terre où coule du lait et du miel. Car je ne monterai pas avec toi, parce que tu es un peuple d'un cou roide, de peur que je ne te détruise dans le chemin. » Or le peuple, entendant cette parole très fâcheuse, pleura, et nul ne se revêtit comme à l'ordinaire de sa parure. Ainsi le Seigneur dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, tu es un peuple d'un cou roide. Je monterai une seule fois au milieu de toi et je t'exterminerai. Dès maintenant dépose tes ornements, afin que je sache ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël déposèrent donc leur ornement dès la montagne d'Horeb. Moïse aussi, prenant le tabernacle, le dressa hors du camp, au loin, et il l'appela du nom de tabernacle d'alliance. Et tous ceux du peuple qui avaient quelques questions sortaient vers le tabernacle d'alliance hors du camp. Et lorsque Moïse sortait vers le tabernacle, le peuple entier se levait, et se tenait chacun à la porte de son pavillon, et regardait Moïse par derrière, jusqu'à ce qu'il entrait dans le tabernacle. Or Moïse entrait dans le tabernacle d'alliance, la colonne de nuée descendait, et se tenait à la porte. Et le Seigneur parlait avec Moïse. Tous voyant que la colonne de nuée se tenait à la porte du tabernacle. Et ils se tenaient eux-mêmes, et ils adoraient à la porte de leur tente. Or le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme a coutume de parler un homme à son ami. Et lorsque Moïse retournait au camp, son serviteur Josué, jeune homme, fils de Noun, ne s'éloignait pas du tabernacle. Or Moïse dit au Seigneur, « Vous m'ordonnez d'emmener ce peuple et vous ne m'indiquez pas celui que vous devez envoyer avec moi. Quoique cependant vous m'ayez dit, je te connais nommément et tu as trouvé grâce devant moi. Si donc j'ai trouvé grâce en votre présence, montrez-moi votre visage, afin que je vous connaisse et que je trouve grâce devant vos yeux. Regardez votre peuple, cette nation. » Et le Seigneur répondit, « Ma face te précédera et je te donnerai le repos. » Et Moïse reprit, « Si vous ne nous précédez vous-même, ne nous retirez pas de ce lieu. Car en quoi pourrons-nous savoir, moi et votre peuple, que nous avons trouvé grâce en votre présence, si vous ne marchez avec nous, afin que nous soyons glorifiés par tous les peuples qui habitent sur la terre ?» Or le Seigneur dit à Moïse, « Cette parole même que tu as dite, je l'accomplirai. Car tu as trouvé grâce devant moi, et je te connais toi-même nommément. » Moïse dit, « Montrez-moi votre gloire. » Le Seigneur répondit, « Moi je te montrerai toutes sortes de biens. Je prononcerai le nom du Seigneur devant toi. je ferai miséricorde à qui je voudrai, et je serai clément envers qui il me plaira. » Et de nouveau il dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Et encore, « Voici, dit-il, un lieu près de moi, et tu te tiendras sur la pierre. Et lorsque passera ma gloire, je te placerai à l'ouverture de la pierre, et je te couvrirai de ma droite jusqu'à ce que je sois passé. J'ôterai alors ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face, tu ne la verras point. » Et ensuite, « Taille-toi, dit-il, deux tables de pierre, à l'instar des premières, et j'écrirai dessus les paroles que contenaient les tables que tu as rompues. Sois prêt dès le matin, pour monter aussitôt sur la montagne du Sinaï, et tu te tiendras avec moi sur le sommet de la montagne. Que nul ne monte avec toi, et que personne ne soit vu sur toute la montagne, que les bœufs même et les brebis ne paissent point contre. » Il tailla donc deux tables de pierre comme celles qui avaient été auparavant, et se levant de nuit, il monta sur la montagne de Sinaï, comme lui avait ordonné le Seigneur, portant avec lui les tables. Et lorsque le Seigneur fut descendu dans la nuée, Moïse se tint avec lui, invoquant le nom du Seigneur. Et le Seigneur passant devant lui, Moïse dit « Dominateur, Seigneur Dieu, miséricordieux et clément, patient et d'une abondante miséricorde, et très véritable, qui gardait votre miséricorde pour des milliers de créatures, qui effaçait l'iniquité, les crimes et les péchés, et nul auprès de vous n'est innocent par lui-même, qui rendait l'iniquité des pères aux fils et aux petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Et aussitôt Moïse se prosterna, incliné vers la terre, et adorant, dit, « Si j'ai trouvé grâce en votre présence, Seigneur, je vous conjure de marcher avec nous, car ce peuple est d'un coup roide, d'effacer nos iniquités et nos péchés, et de nous prendre en possession. » Le Seigneur répondit, « Moi je ferai alliance, tous le voyant. Je ferai des signes qui n'ont jamais été vus sur la terre ni dans aucune nation, afin qu'ils voient ce peuple au milieu duquel tu es, l'œuvre terrible du Seigneur que je dois faire. Observe tout ce qu'aujourd'hui je te commande. Moi-même, je chasserai devant ta face l'Amoréen, le Cananéen, l'Éthéen, le Phérézéen aussi, l'Évéen et le Jébuséen. Prends garde de ne jamais lier des amitiés avec les habitants de cette terre, lesquels soient pour toi une ruine. Mais détruis leurs autels, brise leurs statues et coupe leurs bois sacrés. N'adore point de Dieu étranger. Le Seigneur, son nom est jaloux. Dieu est jaloux. Ne fais point d'alliance avec les hommes de ces pays-là, de peur que lorsqu'ils auront forniqué avec leur Dieu et qu'ils auront adoré leur simulacre, quelqu'un ne t'invite à manger des victimes immolées. Tu ne prendras point de femme d'entre leurs filles pour tes fils, de peur qu'après qu'elles-mêmes auront forniqué, elles ne fassent forniquer aussi tes fils avec leur Dieu. Tu ne feras point de Dieu jetés en fonte. Tu garderas la solennité des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des azimes comme je t'ai ordonné, au temps du mois des nouveaux fruits, car c'est au mois du printemps que tu es sorti de l'Égypte. Tout mâle qui ouvre un sein sera à moi. Le premier-né d'entre tous les animaux, tant des bœufs que des brebis, sera à moi. Tu rachèteras le premier-né de l'âne avec une brebis. Mais si tu ne donnes pas de rançon pour lui, il sera tué. Tu rachèteras le premier-né de tes fils, et tu ne paraîtras point devant moi les mains vides. Pendant 6 jours tu travailleras, au 7e jour tu cesseras de labourer et de moissonner. Tu feras la solennité des semaines à l'époque des prémices des fruits de ta moisson de froment, et la solennité de la récolte, quand le temps de l'année revenant tout se sert. À 3 époques de l'année, tous tes mâles paraîtront en la présence du Tout-Puissant Seigneur, Dieu d'Israël. Car lorsque j'aurai enlevé les nations de devant ta face, et que j'aurai étendu tes limites, nul ne cherchera à surprendre ta terre, toi montant et paraissant en la présence du Seigneur ton Dieu 3 fois l'année. Tu ne sacrifieras point sur du levain le sang de mon hostie. et il ne restera pas le matin de la victime de la solennité de la Pâque. Tu offriras les prémices des fruits de ta terre dans la maison du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit encore à Moïse, écris pour toi ces paroles par lesquelles j'ai fait alliance et avec toi et avec Israël. Il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et il écrivit sur les tables les 10 paroles de l'alliance. Et lorsque Moïse descendait de la montagne de Sinaï, il tenait les 2 tables du témoignage. Et il ignorait que sa face était rayonnante de lumière, depuis l'entretien du Seigneur avec lui. Or Aaron et les enfants d'Israël, voyant la face de Moïse rayonnante, craignirent de s'approcher. Mais appelés par lui, ils revinrent, tant Aaron que les princes de la synagogue. Et après qu'il leur eut parlé, vinrent aussi vers lui tous les enfants d'Israël, auxquels il ordonna toutes les choses qu'il avait entendues du Seigneur sur la montagne de Sinaï. Et ses discours achevés, il mit un voile sur sa face. Entré auprès du Seigneur et parlant avec lui, il ôtait ce voile, jusqu'à ce qu'il en sortît, et c'est alors qu'il disait aux enfants d'Israël toutes les choses qui lui avaient été commandées. Ceux-ci voyaient que la face de Moïse rayonnait lorsqu'il sortait, mais lui la voilait de nouveau s'il avait à leur parler. Ainsi, toute la multitude des enfants d'Israël assemblée, il leur dit: voici ce que le Seigneur a commandé que l'on fasse. Pendant 6 jours, vous travaillerez. Le 7e jour, vous serez saint, étant le sabbat et le repos du Seigneur. Celui qui travaillera en ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures au jour du sabbat. Moïse dit encore à toute l'assemblée des enfants d'Israël: voici la parole qu'a ordonnée le Seigneur. Disons, mettez à part chez vous des prémices pour le Seigneur. Que chacun offre volontairement et porte de cœur au Seigneur de l'or, de l'argent et de l'airain, de l'hyacinthe et de la pourpre, de l'écarlate 2 fois teinte, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintant rouge et des peaux violettes, des bois de sétim, de l'huile pour entretenir les luminaires et pour composer le parfum à oindre et le parfum à brûler d'une odeur très suave, des pierres d'onyx et des pierres précieuses pour l'ornement du léphod et du rational. Quiconque de vous est intelligent, qu'il vienne et qu'il fasse ce que le Seigneur a commandé, c'est-à-dire le tabernacle, son toit et la couverture, les anneaux, les ais avec les leviers, les pieux et les soubassements, l'arche et les leviers, le propitiatoire et le voile qui est suspendu devant lui, la table avec les leviers, les vases et les pains de proposition, le chandelier pour soutenir les luminaires, ses vases et les lampes et l'huile pour l'entretien des lumières, l'autel de parfum à brûler et les leviers, l'huile de l'onction et le parfum à brûler composé d'aromates, le voile à la porte du tabernacle, l'autel de l'holocauste et sa grille d'airain, avec ses leviers et ses vases, le bassin et sa base, les rideaux du parvis avec les colonnes et leurs soubassements, le voile à la porte du vestibule, les pieux du tabernacle et du parvis avec leurs cordages, les vêtements dont l'usage est pour le service du sanctuaire, les ornements d'Aaron le pontife et ceux de ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce pour moi. Alors toute la multitude des enfants d'Israël étant sortis de la présence de Moïse, ils offrirent d'un cœur très empressé et dévoué les prémices au Seigneur, pour faire l'ouvrage du tabernacle de témoignage. Pour tout ce qui était nécessaire au culte et aux vêtements saints, les hommes avec les femmes donnèrent des bracelets, des pendants d'oreilles, des anneaux et des ornements de la main droite. Tout vase d'or fut mis à part comme offrande au Seigneur. Si quelqu'un avait de l'hyacinthe, de la pourpre, de l'écarlate 2 fois teinte, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintant rouge et des peaux violettes, des métaux d'argent et d'airain, il les offrit au Seigneur, ainsi que des bois de sétim pour les divers usages. Or les femmes habiles aussi donnèrent ce qu'elles avaient filé, l'hyacinthe, la pourpre, l'écarlate, le fin lin et les poils de chèvre, accordant toutes ces choses de leur propre mouvement. Mais les princes offrirent les pierres d'onyx, les pierres précieuses pour l'éphod et le rational, les aromates et l'huile pour entretenir les luminaires et pour préparer le parfum à oindre et composer le parfum à brûler d'une odeur très suave. Tous les hommes et toutes les femmes offrirent leur présent d'un cœur dévoué, afin que fussent faits tous les ouvrages que le Seigneur avait commandés par l'entremise de Moïse. Ainsi tous les enfants d'Israël dédièrent des offrandes volontaires au Seigneur. Alors Moïse dit aux enfants d'Israël, voilà que le Seigneur a appelé nommément Bézaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de science et de toute connaissance, pour inventer et faire un travail en or, en argent et en airain, ainsi qu'en gravure de pierre et en ouvrage de menuiserie. Tout ce qui peut être trouvé par l'art, il l'a mis en son cœur. Il a appelé aussi Oholiab, fils d'Akhisamec, de la tribu de Dan. Il les a doués tous deux de sagesse, afin qu'ils exécutent des ouvrages de menuisier, de tisseurs en diverses couleurs, de brodeurs d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate de foie teinte et de fin lin. Qu'ils fassent de tous les tissus et qu'ils en trouvent des nouveaux de toutes sortes. Bézaléel donc et Oholiab, et tous les hommes sages auxquels le Seigneur avait donné la sagesse et l'intelligence pour qu'ils sussent exécuter habilement, firent ce qui était nécessaire aux usages du sanctuaire et ce qu'avait ordonné le Seigneur. Car lorsque Moïse les eut appelés avec tous les hommes habiles auxquels le Seigneur avait donné la sagesse, et qui de leur propre mouvement s'étaient offerts pour faire l'ouvrage, il leur livra tous les dons des enfants d'Israël. Pendant qu'ils s'appliquaient avec ardeur à l'ouvrage, chaque jour au matin le peuple offrait des présents votifs. C'est pourquoi les ouvriers forcés de venir dirent à Moïse, le peuple offre plus qu'il n'est nécessaire. Moïse commanda donc qu'il fût publié par la voix du héraut, que ni homme ni femme n'offre plus rien pour l'ouvrage du sanctuaire. Et ainsi on cessa d'offrir des présents, parce que ce qui avait été offert suffisait et surabondait. Et tous les sages de cœur pour accomplir l'ouvrage du tabernacle, 10 rideaux de fin lin retors, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, de foie teinte, d'un travail varié, et selon l'art de la tissure en diverses couleurs. Un des rideaux avait en longueur 28 coudées et en largeur 4. Il y avait une seule mesure pour tous les rideaux. Il joignit 5 rideaux l'un à l'autre, et il attacha les 5 autres ensemble. Il fit aussi des lacs d'hyacinthe au bord d'un rideau des deux côtés, et pareillement au bord d'un autre rideau, afin que les lacs vinssent l'un contre l'autre et qu'ils se joignissent ensemble. C'est pourquoi il fondit aussi 50 anneaux d'or, qui devaient attacher les lacs des rideaux, afin qu'il se fît un seul tabernacle. Il fit encore 11 couvertures de poils de chèvre pour couvrir le toit du tabernacle. Une couverture avait en longueur 30 coudées, et en largeur 4 coudées. Toutes les couvertures étaient d'une seule mesure. Il en joignit 5 à part et les 6 autres séparément. Et il fit 50 lacs au bord d'une couverture et 50 au bord d'une autre couverture, afin qu'elles fussent jointes ensemble. Et de plus, 50 boucles d'airain par lesquelles devait être attaché le toit, afin que de toutes les couvertures il se fît une seule couverture. Il fit encore une couverture du tabernacle de peau de bélier teinte en rouge, et par-dessus une autre couverture de peau violette. Il fit aussi de bois de sétim les ais du tabernacle qui se tenaient debout. La longueur d'un ais était de 10 coudées, et la largeur tenait 1,5 coudées. Il y avait 2 emboîtements à chaque ais, afin que l'un fût joint à l'autre. Ainsi fit-il pour tous les ais du tabernacle. De ces ais, 20 étaient du côté méridional contre le vent du midi, avec 40 soubassements d'argent. 2 soubassements étaient posés sous un seul ais des deux côtés des angles, où l'emboîtement des côtés se termine dans les angles. Et aussi pour le côté du tabernacle qui regarde l'aquilon, il fit 20 ais, avec 40 soubassements d'argent, 2 soubassements pour chaque ais. Mais contre l'occident, c'est-à-dire vers cette partie du tabernacle qui regarde la mer, il fit 6 ais, et 2 autres à chaque angle du tabernacle par derrière, lesquels étaient joints depuis le bas jusqu'au haut et formaient un seul assemblage. Ainsi fit-il des deux côtés pour chaque angle, de manière à ce que 8 ais fussent ensemble et qu'ils eussent 16 soubassements d'argent, c'est-à-dire 2 soubassements sous chaque ais. Il fit encore des leviers de bois de sétim, 5 pour maintenir les ais d'un côté du tabernacle et 5 autres pour assujettir les ais de l'autre côté. Et outre cela, 5 autres leviers au côté occidental du tabernacle contre la mer.

le foyer au milieu de l'autel. Quatre anneaux ayant été jetés en fonte pour les quatre sommités de la grille, afin d'y passer les leviers pour porter l'autel. Il fit ses leviers eux-mêmes de bois de sétim, et il les couvrit de lames d'airain. Et il les passa dans les anneaux qui saillaient sur les côtés de l'autel. Mais l'autel lui-même n'était pas massif, mais creux, composé d'ais et vide au-dedans. Il fit de plus le bassin d'airain avec sa base, des miroirs des femmes qui veillaient à la porte du tabernacle. Il fit encore le parvis au côté austral, duquel étaient les rideaux de fin lin retors de 100 coudées. 20 colonnes d'airain avec leurs soubassements, les chapiteaux des colonnes et tous les ornements du travail étaient d'argent. Également du côté septentrional, les colonnes, les soubassements et les chapiteaux des colonnes étaient de la même mesure, du même travail et du même métal. Mais au côté qui regarde l'occident, les rideaux étaient de 50 coudées. Les 10 colonnes avec leurs soubassements étaient d'airain, et les chapiteaux des colonnes et tous les ornements de ce travail d'argent. Or, contre l'Orient, il disposa des rideaux de 50 coudées, sur lesquels un côté ayant 3 colonnes avec ses soubassements prenait 15 coudées. Et de l'autre côté, puisque c'est entre l'un et l'autre qu'il fit l'entrée du tabernacle, prenait également 15 coudées par les rideaux, par 3 colonnes et autant de soubassements. Tous les rideaux du parvis avaient été tissus de fin lin retors. Les soubassements des colonnes étaient d'airain, et leurs chapiteaux, avec tous leurs ornements, d'argent. Mais les colonnes elles-mêmes du parvis, il les revêtit d'argent. Et à l'entrée du parvis, il fit en ouvrage de brodeur un rideau d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin retors, lequel avait 20 coudées en longueur. Mais la hauteur était de 5 coudées, selon la mesure que tous les rideaux du parvis avaient. Mais il y avait 4 colonnes à l'entrée avec leurs soubassements d'airain, et leurs chapiteaux et leurs ornements étaient d'argent. Il fit aussi autour du tabernacle et du parvis les pieux d'airain. Telles sont les parties du tabernacle du témoignage, qui furent énumérées par l'ordre de Moïse, pour les cérémonies des Lévites, par l'entremise d'Ithamar, fils d'Aaron le prêtre, et que Bézéléel, fils d'Ouri, fils de Hour de la tribu de Juda, le Seigneur l'ordonnant par Moïse, avait achevé, après s'être adjoint Oholiab, fils d'Akisamec de la tribu de Dan, qui était lui-même ouvrier habile en bois, tisseur en diverses couleurs, et brodeur en hyacinthe, en pourpre, en écarlate et en fin lin. Tout l'or qui fut dépensé pour le travail du sanctuaire et qui fut offert en don fut de 29 talents, et de 730 sicles selon la mesure du sanctuaire. Or ces offrandes furent faites par ceux qui entrèrent dans le dénombrement, depuis 20 ans et au-dessus, au nombre de 603 550 portant les armes. Il y eut de plus 100 talents d'argent, dont furent fondus les soubassements du sanctuaire et l'entrée où le voile était suspendu. 100 soubassements furent faits avec 100 talents, un talent supputé pour chaque soubassement. Mais avec les 1775 sicles, il fit les chapiteaux des colonnes, qu'il revêtit aussi d'argent. On offrit encore 2070 talents d'airain, et de plus 400 sicles, dont furent fondus les soubassements à l'entrée du tabernacle de témoignage, l'autel d'airain avec sa grille, tous les vases qui appartiennent à son usage, les soubassements du parvis tant autour qu'à son entrée, et les pieux du tabernacle et du parvis tout autour. Or Bézéléel fit aussi d'hyacinthe. De pourpre et d'écarlate et de lin fin, les vêtements dont devait être revêtu Aaron quand il servait dans les lieux saints, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Il fit donc l'éphod d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois teinte et de fin lin retors, d'un ouvrage de tisseur en diverses couleurs. Et il tailla des feuilles d'or et les réduisit en fil pour qu'elles puissent être retordues dans le tissu des couleurs précédentes. Il fit de plus les deux bords de l'éphod joints l'un à l'autre aux deux côtés des sommités, et la ceinture des mêmes couleurs comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Il prépara aussi les deux pierres d'onyx attachées et enchâssées dans de l'or et portant le nom des enfants d'Israël, gravé selon l'art d'un lapidaire. Puis il les plaça aux côtés de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Il fit encore le rational d'un ouvrage de tisseur en diverses couleurs, selon le travail de l'éphod, d'or, d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate, de fois teinte et de fin lin retors. Il le fit carré, double, de la mesure d'une palme. Et il posa quatre rangs de pierres précieuses. À la première rangée, il y avait une sardoine, une topaze, une émeraude. À la seconde, une escarboucle, un saphir et un jaspe. À la troisième, un ligure, une agate et une améthyste. À la quatrième, un chrysolite, un onyx et un béryl. Après les avoir environnés d'or et les y avoir enchâssés selon leur rang. Et ces 12 pierres elles-mêmes portaient gravés les 12 noms des tribus d'Israël, chaque pierre, chaque nom. Ils firent aussi au rational 2 chaînettes se tenant l'une à l'autre d'un or très pur, 2 agrafes et autant d'anneaux d'or. Or ils posèrent aux deux côtés du rational les anneaux desquels pendaient les 2 chaînes d'or, qu'ils attachèrent aux agrafes qui sortaient des angles de l'éphod. Tout cela était ajusté devant et derrière, de manière que l'éphod et le rational se tenaient unis l'un à l'autre. Étant serrés près de la ceinture, et fortement liés par des anneaux que joignaient ensemble un ruban d'hyacinthe, afin qu'ils ne fussent point lâches et qu'ils ne s'écartassent pas l'un de l'autre, comme a ordonné le Seigneur à Moïse. Ils firent aussi la tunique de l'éphod, toute d'hyacinthe, une ouverture à la partie supérieure vers le milieu, et un bord tissu autour de l'ouverture. Mais au bas, vers les pieds, des grenades d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et de fin lin retors, et des sonnettes d'un or pur qu'ils posèrent entre les grenades, à la partie inférieure de la tunique, tout autour, une sonnette d'or et une grenade. C'est revêtu de ces ornements que le pontife exerçait les fonctions de son ministère, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Ils firent encore les tuniques tissues de fin lin pour Aaron et ses fils, les mitres avec leurs petites couronnes de fin lin, et aussi de fin lin les caleçons de lin. Mais la ceinture de fin lin retors, d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate deux fois teinte en broderie, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Ils firent de plus la lame de la sainte vénération, d'un or très pur, et ils y écrivirent en ouvrage de lapidaire la sainteté du Seigneur. Et ils la lièrent à la mitre avec un ruban d'hyacinthe, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Ainsi tout l'ouvrage du tabernacle et du toit du témoignage fut achevé. Et les enfants d'Israël firent tout ce qu'avait ordonné le Seigneur à Moïse. Et ils présentèrent le tabernacle et son toit et toutes ses dépendances, les anneaux, les ais, les leviers, les colonnes et les soubassements, la couverture de peau de bélier teinte en rouge et l'autre couverture de peau violette, le voile, l'arche, les leviers, le propitiatoire, la table et ses vases et les pains de proposition, le chandelier, les lampes et leurs ustensiles avec l'huile, l'autel d'or, le parfum à oindre et le parfum à brûler composé d'aromates, le voile à l'entrée du tabernacle, l'autel d'airain, la grille, les leviers et tous ses vases, le bassin avec sa base, les rideaux du parvis et les colonnes avec leurs soubassements, le voile à l'entrée du parvis, ses cordages et ses pieux. Rien ne manqua des choses que pour le service du tabernacle et pour le toit d'alliance Dieu avait commandé de faire. Et aussi les vêtements dont les prêtres se servent dans le sanctuaire, c'est-à-dire Aaron et ses fils, et aussi les vêtements dont les prêtres se servent dans le sanctuaire, c'est-à-dire Aaron et ses fils, les enfants d'Israël les présentèrent comme avait ordonné le Seigneur. Après que Moïse eut vu toutes ces choses achevées, il les bénit. Le Seigneur parla ensuite à Moïse, disant au premier mois, au premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle de témoignage, et tu y mettras l'arche, et tu suspendras devant elle le voile. Puis la table portée, tu mettras sur elle ce qui a été légitimement ordonné. Le chandelier sera placé avec ses lampes, ainsi que l'autel d'or sur lequel se brûle de l'encens, devant l'arche du témoignage. Tu poseras le voile à l'entrée du tabernacle, et devant le voile l'autel de l'holocauste. Le bassin que tu rempliras d'eau entre l'autel et le tabernacle. Tu entoureras de rideaux le parvis et son entrée. Et prenant l'huile de l'onction, tu oindras le tabernacle avec ses vases, afin qu'il soit sanctifié. L'autel de l'holocauste et tous ses vases, le bassin avec sa base, tu consacreras toutes choses avec l'huile, afin qu'elle soit très sainte. Tu feras approcher Aaron et ses fils de la porte du tabernacle de témoignage, et après les avoir lavés dans l'eau, tu le revêtiras des saints vêtements, afin qu'ils me servent, et que leur onction serve à un sacerdoce perpétuel. Et Moïse fit tout ce qu'avait ordonné le Seigneur. Ainsi, au premier mois de la seconde année, au premier jour du mois, fut placé le tabernacle. Et Moïse le dressa, et il plaça les ais, les soubassements et les leviers, et il posa les colonnes, puis il étendit le toit sur le tabernacle, la couverture ayant été mise par-dessus, comme le Seigneur avait commandé. De plus, il plaça le témoignage dans l'arche, ayant posé les leviers au bas et le racle au-dessus. Et lorsqu'il eut porté l'arche dans le tabernacle, il suspendit devant elle le voile pour accomplir l'ordre du Seigneur. Il posa aussi la table dans le tabernacle de témoignage, du côté septentrional, en dehors du voile. Les pains de proposition étant rangés devant, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Il posa de plus le chandelier dans le tabernacle de témoignage, vis-à-vis de la porte à la partie australe, les lampes ayant été placées en ordre, selon le précepte du Seigneur. Il mit encore l'autel d'or sous le toit de témoignage contre le voile. Et il brûla sur lui un parfum d'aromate, comme l'avait commandé le Seigneur à Moïse. Il posa de plus le voile à l'entrée du tabernacle de témoignage et l'autel de l'Holocauste, dans le vestibule de témoignage, offrant sur lui l'Holocauste et les sacrifices, comme le Seigneur avait commandé. Il plaça aussi le bassin entre le tabernacle de témoignage et l'autel, et il le remplit d'eau. Et Moïse et Aaron et ses fils lavaient leurs mains et leurs pieds lorsqu'ils entraient sous le toit d'alliance et s'approchaient de l'autel, comme avait ordonné le Seigneur à Moïse. Il dressa aussi le parvis autour du tabernacle et de l'autel, le voile ayant été tendu à son entrée. Après que tout fut achevé, la nuée couvrit le tabernacle de témoignage, et la gloire du Seigneur le remplit. Et Moïse ne pouvait entrer sous le toit d'alliance, la nuée couvrant tout, et la majesté du Seigneur brillant, parce que la nuée avait tout couvert. Si quelquefois la nuée quittait le tabernacle, les enfants d'Israël partaient selon leurs bandes. Si elle restait suspendue au-dessus, ils demeuraient dans le même lieu. Car la nuée du Seigneur reposait pendant le jour au-dessus du tabernacle, et un feu durant la nuit, tous les peuples d'Israël le voyant de toute leur demeure. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.